بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث عن جماعة التبليغ. Donc c'est notre 38e cours dans la source délicieuse de Cheikh Najmi رحمه الله تعالى. Et nous avons commencé le chapitre qui concerne جماعة التبليغ. قول الحمد لله من بعد ومن قبل أن هذا العصر عصر جوع الكثير إلى الإسلام. فبعد أن الناس بعد أن جرب الناس كافة المبادئ والأفكار والمفاهيم والفلسفات الموجودة في العالم من علمانية وشيوعية وديمقراطية واشتراكية ومادية ورأسمالية، ولكن أفلست كل كافة هذه الأفكار في أن تحل محل الإسلام في قلوب معظم المسلمين. والأقلية التي تنادي بهذه المبادئ المنافية لفطرة الإنسان على مختلف اتجاهاتها في معظمها تردد الشعارات بدون إدراك تام لمعانيها وأهدافها، بل تحاول بها التفلت من الأوامر والنواهي الإلهية. Donc, frère en Allah Azza wa Jal, et la louange revient complètement à Allah Azza wa Jal avant et après tout le temps. Remarque qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent vers l'islam et toute la louange revient à Allah Azza wa Jal. Après que les gens ont essayé les différents principes fondamentaux et les différentes voies et les différentes philosophies et définitions qui existent dans ce monde, que ce soit les gens essayent la laïcité, le communisme, la démocratie, le socialisme, le matérialisme et le capitalisme et autres, mais toutes ces idées n'arrivent pas à prendre la place de l'islam dans le cœur de la majeure partie des musulmans. Une petite minorité qui appelle vers ces principes qui sont en contradiction avec la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les humains, des fois ils répètent les emblèmes et ces principes tout simplement sans comprendre leur signification réellement. Et des fois, ils se cachent derrière ces principes et les emblèmes de ces principes juste pour ne pas se soumettre à Allah Azza wa Jal et ne pas mettre en application ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne et ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit. فبعد إفلاس هذه الأفكار من تغيير واقع الناس بدأ المسلمون بالرجوع إلى تراثهم ومحاولة التعرف على الإسلام الذي طبق ونجح في إصلاح حياة البشرية في كافة ميادينها عقائدا وعبادة ومعاملة ومعاشرة وأخلاق وسياسية وقضاء وكافة أوجه الحياة. Après que toutes ces idées n'ont pas pu changer la réalité dans laquelle se trouve la communauté musulmane, beaucoup de musulmans reviennent vers leur héritage, reviennent vers la connaissance de l'islam reviens et jette un coup d'œil sur l'islam qui a été mis en application auparavant et qui a donné la suprématie et l'honneur et la civilisation à cette communauté. Cet islam, quand il est appliqué, c'est l'islam authentique quand il est appliqué dans tous les domaines, que ce soit dans l'aqida et surtout dans l'aqida, dans l'adoration, dans le comportement et dans la politique, il ramène le bonheur. Et il comble celui qui le met en application de bonheur et de quiétude. وعصرنا هذا الذي نعيشه من خصوصيته الشبهات وتعدد الجماعات الإسلامية. ففي الماضي كان تعدد المذاهب والتعصب لها. وهذه الظاهرة خفت حدتها كثيرا في هذا العصر. ولكن بدأ عصر الجماعات وكل جماعة لها تنظيمها وقيادتها ووجهة نظرها وأسلوبها ومفاهيمها التي توالي وتعادي عليها. فa notre époque, notre siècle est ainsi, dans lequel le siècle que nous vivons, il a une particularité. Sa particularité, ce sont les ambiguïtés et le nombre grandissant des groupes islamiques. Dans le passé, il y avait les écoles de jurisprudence et le sectarisme pour ces écoles. Mais cette façon a commencé à diminuer, ce sectarisme aux écoles de la jurisprudence a commencé à diminuer, à perdre de sa force à notre époque. Mais a commencé un autre sectarisme, le sectarisme des groupes et des partis, et la naissance des groupes. Et chaque groupe a son organisation, à ses leaders, à son point de vue, à son style, à ses définitions, pour lesquelles il fait l'alliance et le désavoue. فمن هذه الجماعات جماعة الإخوان المفلسون ومر معنا أخطاء هذه الجماعة كما بينها الشيخ النجمي رحمه الله تعالى واسكنه فسيحة جناته. ذلك جماعة حزب التحرير وجماعة الياسينيين وجماعة التبليغ وجماعة التكفير بشتى أنواعها وجماعات كثيرة موجودة على الساعة كبيرة أو صغيرة أو متوسطة منشقة من جماعات كبيرة بسبب اختلاف ضفيف أو تحوير أو تغيير في بعض المفاهيم أو الأساليب مع الجماعة الأم فتتكون جماعة جديدة إضافة إلى مئات الجماعات الصوفية المنتشرة في العالم الإسلامي مثل الشاذلية والبرهانية والختمية والنقشبندية والسهروردية والقادرية والجشتية والتيجانية والرفاعية إلى آخره. Et donc, ces groupes existent. Ils sont là, comme le groupe des frères musulmans. Et nous avons vu les erreurs de ce groupe à travers les critiques qu'on a fait Cheikh Najmi Rahimahullah Ta'ala. Il existe aussi Hizb Tahrir, qui existe surtout sur le terrain belge. Jama'at Yassinine, le groupe des Yassinites, qui existe ici dans le sud de la France et un petit peu partout en Europe, et qui est un groupe marocain. Et Jama'at Tablir, qui existe à travers le monde entier. Et beaucoup aussi d'autres Jama'at qui ont différents noms, mais qui sont des Jama'at d'El Tikfir. Et beaucoup d'autres groupes, petits, moyens ou grands, qui ont dérivé de grands groupes par des divergences qu'ils ont eues entre eux, parce que certains voulaient avoir le devant de la scène, donc ils ont créé des petits groupes en changeant un petit peu le style et en changeant certaines définitions, etc., pour être un petit peu à part de la mère originelle. Et ainsi se forment des groupes. À longueur d'année, à longueur de, il n'y a pas un moment qui passe sans que ne sort des gérants du Jama'at l'Ikhwa al-Muflisoun un groupe, sans qu'on sort des sectes soufis, des groupes et des petits groupes. Plus ces groupes qui existent, qui sont des groupes politiques, il y a aussi des groupes, il y a des sectes qui appellent vers le soufisme, vers le messicisme. Ils sont il se compte par des centaines, sinon plus, dans le monde islamique. Comme Shadiliya, ou Burhaniya, ou Khatmiya, ou Naqshbandiya, ou Sarawardiya, il Qadiriya, il Justiya, il Tijaniya, il Rifaya, et d'autres. فكل هذه الجماعات تصدت للدعوة لتعريف الإسلام وتعريف المسلمين بالإسلام وعندهم انحراف شديد عن منهج السلف رضوان الله عليه ويغالون في بعض الجوانب ويهملون الجوانب الأساسية et tous ces groupes se sont donné la fonction de la da'wa et se sont préoccupés de la da'wa Et ils se sont mis au devant de la scène pour prêcher, pour faire connaître l'islam et pour prêcher les musulmans, etc. Mais ils ont des grandes divergences avec la voie du puiseur d'Allah Ali. Et des fois, ils se donnent à un côté, ils s'occupent d'un côté de l'islam, ils négligent les autres côtés. Donc ils exagèrent sur certains côtés, sur un côté, ils négligent tout le reste de l'islam. Et des fois, ils négligent carrément la chose principale qui sont les croyances. Certains groupes s'est occupé tout simplement de la politique et il a exagéré à ce niveau-là. Il a négligé complètement l'aqida et ce qui découle du monothéisme et le comportement et les autres chose de la religion, il les a complètement négligées. D'autres, se sont, comme Jamaat Tabligh, se sont occupés tout simplement, soi-disant, de la da'wa, mais ils ont complètement négligé la science, et ils ont averti contre la science et contre ceux qui s'occupent de la science. Et ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a couvert de sa sainte miséricorde, qui sont la fraction sauvée et victorieuse, s'occupent de la croyance, de la science, de la voie, de la mise en application, du comportement et la da'wa selon la voie du puiseur d'Allah alayhi. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soyons parmi ceux-là, ceux qui s'occupent des croyances et du monothéisme, et qui s'occupent de la science, et qui s'occupent du minhaj, et qui s'occupent à œuvrer comme il se doit, et qui s'occupent des comportements, et qui s'occupent de la da'wa, mais tout ceci, selon la voie du puiseur d'Allah alayhi. Fantum tarawna ikhwat al-islam kullu jama'atin tas'a limada tas'a likasbi akbar 'adad min al-ansar wa rabtihim bi manhaj al-jama'a ma'a at-taqlid min tajrid at-tawhid wal-ittiba' wal-ihtimam bil-wala' wa hum yahtamuna faqat bil-wala' wal-bara' lil-jama'a wa fil-jama'a wa mahabbati man ahabba al-jama'a والبراءة ممن عاد الجماعة. Voyez, frères en Allah, Azzawajal, ce qui se passe autour de vous, que ce soit par l'Ikhwan, ou par les Sofis, ou par les Tkfiri, ou par les adeptes de la Jama'at Tabligh, ces groupes qui n'ont qu'un souci, avoir le maximum d'adeptes avec eux. Il est lié à la voix de leur groupe et aux principes fondamentaux de leur groupe, tout en négligeant le monothéisme, le suivi du prophète alayhi salatu wassalam, mais la chose principale de laquelle il s'occupe, c'est l'alliance pour le groupe, il désavoue pour le groupe, aimer pour le groupe et pour les principes du groupe, et désavouer et détester pour le groupe et pour les principes du groupe. ومن هذا المنطلق الشباب المنضمين في هذه الجماعات يتبعون أسرى داخل جدران نظام الجماعة ليس لهم أن يتصرفوا إلا بمفاهيم الجماعة وأساليب الجماعة وإذا حاول بعضهم استقصاء جانب الحق ووجدوا الحق مخالفا لأساليب ومفاهيم الجماعة يتم التهديل منهم ويطلب منهم أن يرجعوا إلى الصواب وإلا فصلوا من الجماعة فأصبح هناك حجر فكري على أفراد الجماعة وتحويلهم فقط إلى إماعات إذا أحسنت الجماعة أحسنوا وإذا أساءت أساءوا مما جعل الأفراد الذين يجدون أن منهج الجماعة مخالف للحق بعد أن يحاولوا إصلاح جماعة من الداخل يجدوا المعارضة المؤلمة ليس لهم سبيل إلا الانفصال والاستمرار في البحث عن الحق والتعرف عن طريق على طريقة الحق. Et partant de là, comme ces groupes agissent ainsi, donc les adeptes de ces groupes, ils rentrent dans une prison. Dans une prison, ils vont être emprisonnés dans le programme et dans l'organisation du groupe. Ils n'ont pas à agir. La seule façon de laquelle ils doivent agir qu'avec les principes fondamentaux du groupe et avec le style du groupe et les moyens qu'utilise le groupe. Et si, par un moyen ou par un autre, Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait découvrir la vérité, et quand ils voient que leur groupe est en divergence avec la vérité, et s'ils le disent aux responsables de leur quartier, ou là de leur ville, etc., ben on va les avertir, on va essayer de les rattraper. Ben si on n'arrive pas, on va avertir contre eux. Et si ils deviennent dangereux, ben directement on va s'en séparer. On va leur demander de ne plus faire partie de la jama'a petit à petit. Même si on ne leur dit pas directement, mais indirectement par le comportement et par le fait de ne pas les prendre en considération, de ne pas leur parler, de ne pas les inviter à des réunions et autres, ainsi ça va être, ça va, la séparation va se faire ainsi. فبالأمس رأينا أن جماعة التبليغ نشأت في الهند في بيئة تنتشر فيها الصوفية والعقيدة الماتوريدية. فهذه العقيدة الماتوريدية والماتوريدية هم أصحاب أبي منصور الماتوريدي، ومصدر التلقي عند الماتوريدية الأول هو العقل، وجعلوا النقل فرعا عن العقل، ولكنهم أبقوا نصوص المعاد على ظواهرها، وكذلك بنوا مذهبهم في الأسماء والصفات على التأويل والتفويض، وقد أثبتوا من الصفات ثمانيا، فبالإضافة إلى السبع التي أثبتتها الأشاعرة قالوا بصفة ثامنة وهي صفة التكوين. والماتوريدية تقول بإخراج العمل عن مسمى الإيمان، وتقول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه، وتقول بتحريم استثناء الاستثناء، أي أنه لا يجوز لك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. واتفقوا مع السلف في عدم تكفير صاحب الكبيرة، وكذلك اتفقوا مع السلف في مسائل القدر، وكذلك في الصحابة والإمامة، واختلفوا معهم في النبوات وأنها ليست راجعة للمشيئة المحضة. Donc nous avons vu hier que Jama'at Tabligh est né en Inde, dans une société dans laquelle sont propagées toutes les formes de voie soufie, où la aqida maturidite, c'est elle qui est la aqida du pays. Le maturidia, ce sont les adeptes d'Abi Mansour al-Maturidi, et les sources scientifiques d'Al Maturidia sont en premier lieu la raison. Et les textes, c'est un détail qui découle de la raison. Mais, en ce qui concerne les textes qui concernent la résurrection, ils les ont gardés dans leur apparence. Et ils ont construit leur voie, en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah Azzawajal, sur les mauvaises interprétations et sur le fait de déléguer l'essence. Ils ont confirmé 8 attributs à Allah Azza wa Jal. Ils ont rajouté un 8e par rapport à l'Asha'ira qui ne l'ont confirmé que 7. Maturidiya, plus 10 attributs que l'Asha'ira ont confirmé à Allah Azza wa Jal, rajoute l'attribut de la formation d'El Tekwin. Les Maturidiya disent que les actes ne font pas partie de la foi. Ils disent aussi que la foi n'augmente pas. Ils disent que la foi n'augmente pas et ne diminue pas. ils disent qu'il est illicite de faire des exceptions dans la foi. C'est-à-dire comme le fait de dire « Je suis croyant, Inch'Allah », chez eux, cette expression ne doit pas exister. Ils sont tombés d'accord avec Salaf dans le fait qu'ils ne rendent pas mécréant celui qui commet un péché capital. Ils sont tombés en accord avec Salaf dans le sujet du destin et dans ce qui concerne le Sahaba et l'imama. Ils sont en divergence avec Salaf en ce qui concerne la prophétie. Ils disent que la prophétie, ce n'est pas, ça ne dépend pas de la volonté pure d'Allah. Ça, c'est un petit peu, grosso modo, hein, le Maturidiya et leur voix. Fahadi al-Jama'a, Jama'at al-Tablir, Nasha'at fil-Hind, fi Bay'a Sufiya, العقيدة الماتريدية. العقيدة الماتريدية بين علمائها فضلا عن عامتها. فمؤسس الجماعة كما رأينا البارحة محمد الياس بن محمد الكندهلوي ثم الدهلوي، والكندهلوي نسبة إلى قبيلة كندهلة، والدهلوي نسبة إلى ذهل عاصمة الهند، هكذا يلفظوا اسمها الهنود وغيرهم يلفظون هذه الهي. الهنود يلفظونها دهلي وغيرهم يلفظونها دلهي، ومحمد الياس ديوبوندي نسبة إلى ديوبوند، وهي أكبر مدرسة للأحناف في شبه القارة الهندية. Donc nous avons vu hier que le sophisme est monnaie courante en Inde et que l'aqida, le maturidia, prend le dessus même dans le milieu scientifique entre les hommes de science. Et dans le commun encore plus. Nous avons vu que Mohamed Elias, Ibn Mohamed al-Kandahlawi, al-Dahlawi, c'est-à-dire le Kandahlawi par appartenance à la tribu Kandahla, et Dahlawi par appartenance à Delhi, qui est la capitale de l'Inde, ce que les hindous ils appellent Delhi, Delhi. Et les noms hindous, ils l'appellent Delhi. Et nous avons vu qu'il était Diobandi par appartenance à l'école de Dioband, et c'est la plus grande des écoles d'Al Ahnaf en Inde. Et cette école, ils ont des croyances. Les hindous ont des croyances sur cette école, comme quoi c'est le prophète alayhi salam qui tient la comptabilité de cette école. Et que tous les 6 mois, le prophète vient pour faire les comptes et la comptabilité de l'école. Et un petit peu à quel point. Et c'est une école complètement hanafite et sectaire à la voix d'Abu Hanifa rahimahullah. Wa yantahi nasab Muhammad Ilyas min jihati abi wa ummi ila Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Wa ulida fi sanat 1302 kama ra'ayna al-bariha. Donc, et l'arbre généalogique de Mohamed Elias remonte à Abu Bakr Siddiq du côté de sa mère et du côté de son père aussi. Nous avons vu hier qu'il est né en 1302 de l'Hégire. Nous avons vu aussi qu'il a étudié d'abord dans sa famille et il a appris le Coran. Après, il a étudié les 6 livres d'Yel Sunna. Nous avons vu hier qu'il a mémorisé le Coran et qu'il a étudié les 6 livres d'Yel Sunna. Parce que nous avons vu qu'il y avait une grande renaissance au niveau des sciences du hadith là-bas en Inde. Mais malgré tout ça, n'empêche que beaucoup parmi les hommes de science en Inde sont hanafis, sectaires, ou maturidis au niveau de l'aqida, ou soufis aussi. Et il y a certains, comme nous l'avons vu hier, qui sortent du lot et qui sont des hommes du hadith, qui suivent la preuve, et qui ne suivent aucune voie soufie, et qui sont sur une aqida saine, etc. Mais, pour ce qui concerne Mohamed Elias, ce n'est pas le cas. Mohamed Elias, baya'a, sanat 1315, Cheikh Rachid Ahmed Al-Kankouhi, wajaddad al-bay'ata ba'da wafati ala Cheikh Khalil Ahmed Saharanfouri, وصار من خلفائه الذين يحق لهم مبايعة غيرهم من الناس والإشراف على تربيتهم، واستفاض من الشيخ عبد الرحيم الرايفوري حكيم الأمة عندهم، الشيخ أشرف علي التهانوي فيوضا كثيرة. وبعد وفاة الكنكوهي أصبحت أحواله عجيبة، وكثرت المراقبة والذكر والسلوك، وكان يفرش الحصير ويجلس في أكثر الأحيان خلف قبر عبد القدوس الكنكوهي، وهذا كان يرى وحدة الوجود، وكان يجلس في الخلوة قرب قبر السيد نور محمد البدايوني، وهؤلاء مشايخ الطريقة التي بايع عليها، فأعلاهم مرتبة هذا الأخير ومريده وخليفته الشيخ الحاج جمداد الله مهاجر مكة، ومن خلفائه ومريده الشيخ رشيد أحمد كنكوهي، ومن خلفائه الشيخ خليل أحمد سهار نيوري، وخليفته ومريده الشيخ محمد إلياس الكندهلوي مؤسس جماعة التبليغ. Donc nous avons vu que il a fait l'allégeance au 1315. الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي il a renouvelé cette allégeance après la mort de Rachid al-Kankouhi. Il a renouvelé l'allégeance sur les voies soufis à Cheikh Khalil Ahmed Sahar Nfouri. Et il est devenu son remplaçant. C'est-à-dire Mohamed Ilyas est devenu le remplaçant de Ahmed Sahar Nfouri. Et il avait le droit de faire, de prendre l'allégeance des gens et de s'occuper de leur éducation. On dit qu'il a reçu que la science de Cheikh Abdurrahim Raifouri, qui est le sage de la communauté, s'est déversée sur lui. Le Fouyoudat a dit. C'est-à-dire, le Fouyoudat, c'est quelque chose qui jaillit de l'intérieur. Quelque chose, cette science qu'il y a à l'intérieur. Hein? Ce que ne connaissent pas Salaf Ridwallah alayhim. Et il a reçu de Ali Tahouni, donc c'est Fouyoudat. Et après la mort de Al-Kankouhi, la situation de Mohamed Ilyas est devenue extraordinaire et bizarre. Et il a augmenté le muraqaba, le fait d'observer à côté des tombes et d'invoquer à côté des tombes. Il mettait une natte à côté des tombes et il s'asseyait derrière la tombe de Abd al-Qaddous Al-Kankouhi qui avait l'unicité de l'existence, qui voyait l'aqida d'yel, l'unicité de l'existence, que Allah et la créature, c'est la même chose. La créature et Allah, c'est la même chose. Et il restait aussi en retraite, à côté de la tombe de Sayyid Nour Muhammad, le Badayouni. Et ça, ce sont les mashaykh d'yel tariqa, sur laquelle il a pris, il a donné l'allégeance. Et le plus haut de ces mashaykh, c'est le dernier. C'est-à-dire Nour Muhammad al-Badayouni. Et son khalifa, Cheikh al-Hajj Imdad Allah. Ça, c'est les plus hauts de cette tariqa. Et Imdad Allah a immigré à la Mecque. Et parmi les khalifas de Imdad Allah, de ce grand cheikh qui est Nour Muhammad al-Badayouni, parmi ses lieutenants et ceux qui ont pris la relève après lui, il y a Imdad Allah, il y a aussi Rachid Ahmed Kankouhi, et parmi ses remplaçants aussi, il y a aussi Ahmed Saharanfouri, et son khalifa qui est son disciple, Mohamed Ilyas, c'est-à-dire le fondateur de Jama'at Tabligh. Wa idafatan, للمعلومات فإن خلفاء الشيخ الحاج إمداد الله مهاجر مكة هم الشيخ رشيد أحمد كنكوهي والشيخ أشرف علي تهانوي والشيخ محمد قاسم نانوتي. Donc, et pour avoir plus de données, les remplaçants du Cheikh الحاج إمداد الله qui est l'immigrant de la Mecque, hein, qui a immigré à la Mecque, sont Cheikh Rachid Ahmed Kankouhi à qui Mohamed Ilyas a donné allégeance. Et Ashraf Ali Tahanoui, la même chose, il lui a donné allégeance. Et aussi Cheikh Mohamed Qasim Nanoutoui. ومر معنا كيف تم اكتشاف طريقة التبليغ في بأن يقول محمد إلياس ألقي في روع الشيخ، أنه يقال أنه ألقي في روعه أي في روع الشيخ محمد إلياس تفسير آية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ففهم منها أن هذه الأمة حتى تصبح خير أمة لا بد لها من الرحلات والخروج، معناه أخرجت، وهذا معناه أخرجت عنده. فبدأ بعد ذلك بإخراج الناس للدعوة إلى الإيمان زاعما. Donc, et il est passé avec nous aussi comment Mohamed Ilyas a découvert cette voie de Tabligh. Il dit que on a insufflé dans son cœur le sens du verset Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, vous êtes la meilleure des communautés qu'on a sorti aux gens. Mais en réalité, le verset ne veut pas dire qu'on a sorti aux gens, qui a existé dans entre les gens. Ils ordonnent le bien et il blâme le mal, et il croit en Allah. Et lui, il a compris de ce verset, Ukhrijat, c'est-à-dire qu'il faut sortir pour Dawa. Et que Dawa ne se fait qu'avec le Khuruj. D'où il a basé toute sa Dawa sur le Khuruj. Par cette mauvaise interprétation, qu'il dit qu'il a reçu dans son cœur. Par qui Allah Ta'ala alam. ومن المعروف بين التبليغيين أن إنياس تحصل على هذا العمل الذي هو التبليغ عن طريق ذهابه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول أنه نام داخل الحجرة فتحصل عليه. وفي رسالة محمد أسلم أقام بعد الحج مدة في المدينة المنورة في شهر شوال سنة 1344، فكان الشيخ يقول أي محمد إلياس إني أمرت في أثناء إقامتي في المدينة بالقيام بالتبليغ وقيل نستخدمك، فقضيت أياما في قلق واضطراب كيف يقوم مثل الضعيف في هذا العمل. فقصصت هذه القصة أمام عارف أي أمام صوفي، فقال لماذا أنت في هذا القلق والاضطراب مما قيل لك أنت تقوم بالعمل، وإنما قيل لك ما مما قيل لك أنت تقوم بالعمل، وإنما قيل لك نستخدمك، فمن يريد أن يستخدمك فليستخدمك. Donc, ce qui est connu par Tabligh, par les anciens, c'est qu'Ilyas a eu cette œuvre qui est Tabligh, qui est ce travail, comme il l'appelle, quand il est allé à la tombe du prophète alayhi salam. Et certains disent qu'il a dormi dans la chambre, dans la pièce où était entouré le prophète alayhi salatu wassalam, et celui-là où il a réussi ce travail. Et dans la risala de Muhammad Aslam, qui parle de l'aqida et du voie soufie de Mashaykh Tabligh, il dit que Muhammad Ilyas est resté après le Hajj une longue période à Médine. Après avoir fait son pèlerinage, il est resté une longue période. Il est arrivé qu'au mois de Shawwal de l'an 1344 de l'Hégire, il a dit, Cheikh Mohamed Ilyas a dit, il m'a été ordonné durant ma résidence à Médine d'accomplir Tabligh. Et il a dit aussi, on m'a dit qu'on va t'utiliser. Et Mohamed Ilyas disait, j'ai passé plusieurs jours à être triste et perturbé. Comment quelqu'un de faible comme moi va accomplir ses actes? Et il a dit, j'étais voir un arif, un connaisseur. Arif, c'est un terme soufi. Donc il a été voir un soufi. Et quand il lui a conté son histoire et ses perturbations, il lui a dit, pourquoi tu es perturbé comme ça et tu es inquiet comme ça? T'as pas à être inquiété. On a dit qu'on va t'utiliser. Celui qui veut t'utiliser, qu'il t'utilise. Voici comment est né ce travail d'El Tabligh Ikhwat al-Islam. والقصة التي يتم تناقلها بين القدماء الذين عاصروا الشيخ محمد إلياس وتربوا على يديه أن الشيخ كان حزينا وقلبه يحترق على الأمة، وخصوصا أنه رأى بنفسه حالة منطقة تسمى منطقة الميوات، وقد تأثر أهلها بحياة الهندوس وغير أهل هذه المنطقة أسماءهم إلى أسماء هندوسية وتغيرت عادتهم، وانتشر بين أهل هذه المنطقة الزواج بين المسلمات والهندوس، أوشكت معالم الإسلام أن تختفي من هذه المنطقة، وأصبحت الدواب تعيش في المساجد إلى آخر الأخبار المحزنة. فحاول الشيخ محمد الياس استخدام كافة الأساليب لإعادة الحياة الإسلامية إليهم عن طريق نشر العلم بينهم والمعاهد الدينية وتهيئة المساجد وإرسال الوعاظ وتعليم القرآن، ولكن كل هذه الأساليب لم تنجح، ونجحت معهم طريقة التبليغ. انظروا كيف لم تجدي معهم الطريقة العلمية ونجحت معهم طريقة إلياس. دونك et l'histoire qui se propage dans le milieu des anciens qui ont connu Cheikh Mohamed Ilyas et qui ont été éduqués par Cheikh Mohamed Ilyas, que Cheikh Mohamed Ilyas, que Cheikh Mohamed Ilyas que Cheikh Mohamed Ilyas à cette époque, quand il était à Médine, il était triste, que son cœur brûlait pour la communauté, surtout de ce qu'il a vu lui-même d'une certaine région, d'Inde qui s'appelle Miwat, et que les gens de cette région ont été influencés par la vie des hindous, et que beaucoup de gens musulmans ont changé leur nom et ils ont pris des noms hindouistes, et que leurs coutumes ont changé, et que dans cette région, il y a eu des mariages entre les musulmanes et les hindous, et presque les emblèmes de l'islam ont disparu de cette région, à tel point que les animaux rentraient et vivaient dans les mosquées. Et Cheikh, comme on le rapporte les anciens, disent que Mohamed Ilyas a utilisé tous les moyens, il a envoyé des hommes pour le renseigner, il a construit des institutions religieuses, et il a envoyé des wa'ad, il a préparé des gens pour leur enseigner le Coran, et tout ce style scientifique n'a pas réussi, et a réussi avec les gens la voie d'El Khourouj. Ben même la voie d'El Khourouj, on peut dire qu'il n'a rien réussi. Regardez l'associationnisme qui est monicorante en Inde et au Pakistan. Regardez comment les gens adorent encore. Il y a des temples de cobra, on adore les vaches, hein? On se prosterne pour les vaches, il y a des temples de fourmis. Où est la réussite de la da'wah de Mohamed Ilyas en Inde, au Bangladesh et au Pakistan et en Afghanistan et autres? وكانت الطريقة التي سلكها الشيخ محمد إلياس معهم اقتضت منه الصبر، ويقولون أن هذه الطريقة التي سلكها محمد إلياس وهؤلاء هم تربوا على يديه، فهم يفتعلون صورة لشيخهم، ويقولون أن الطريقة التي سلكها محمد إلياس اقتضت منه الصبر والتحمل والتذلل الشديد حتى تم مراده، ضرب وأهين وتحمل التعب والجوع والمرض حتى تم تكوين الجماعة. Donc, et cette voie et les disciples, ceux qui ont vécu à l'époque de Mohamed Ilyas, forme une image autour de cet homme. C'est par tous les moyens, tous les adeptes de groupe vont former une image, ils vont donner une image de vénération à leur leader. Et on est de même pour Jamaat Tabligh, ne fait pas l'exception. Donc les anciens qui l'ont côtoyé, qui ont été éduqués par Mohamed Ilyas, vont nous présenter une personne au-dessus de toute erreur. Donc ils disent que cet homme, cette voie qu'il a prise, il a enduré sur cette voie-là, il a supporté, il a été frappé, il a été avilé, ou l'a insulté, etc. Jusqu'à ce qu'il ait formé sa jama'a et son groupe. فمحمد إلياس وضع هذا الترتيب وهذا النظام العام للجماعة. وخلاصة الأمر أن أساس الجماعة وضع على يديه. وبعد موته انتقلت الإمارة إلى ابنه الشيخ محمد يوسف الكندهلوي، وفي عهد ابنه محمد يوسف تمكنت الجماعة من نشر طريقتها في معظم أنحاء العالم. والشيخ محمد يوسف يقال عنه أنه كان ذا همة عالية، فأراد للجماعة أن لا تترك مكانا فيه مسلمون إلا وتنتشر بينهم، بينهم طريقة التبليغ، حتى كان من أقواله إن الناس الآن بدأوا يصعدون إلى القمر، فإذا سكن الناس في القمر فسوف نرسل إليهم إن شاء الله جماعة تدعوهم حتى يخرجوا في سبيل الله. فتذكر هذه الكلمة أخي، قال ندعوهم حتى يخرجوا في سبيل الله، ما قال حتى يفرض الله بالعبادة، وما قال حتى يخرجوا في سبيل الله، أي ندعوهم للعمل التبليغي وليس لإفراد الله بالعبادة. ندعوهم حتى يخرجوا في سبيل الله ويتعلموا دعوة التبليغ. فهكذا، ففي عهده غطت الدعوة معظم أنحاء العالم وابتلي بها المسلمون في أنحاء العالم وأخذت كامل قوتها في عهده وغرست جذورها وجذور بلواها في معظم البلدان بلدان العالم. دونك محمد إلياس a donné le fondement de ce groupe et l'organisation et les principes fondamentaux du groupe. Et après à sa mort, la Imara, la principauté et le prince de ce groupe va être son fils Mohamed Youssef al-Kandahlaoui. Et on dit que cet homme avait des hautes aspirations. Et à son époque, le groupe d'Yel Tbilir va se propager à travers le monde, il va éprouver le monde entier. Et les idées d'Yel Tbilir vont perturber l'esprit du musulman à travers le monde entier, en Europe et un petit peu partout. Et tellement il voulait que Tablir, que les idées d'El Tablir arrivent partout, qu'il a dit au moment où on parlait que les gens sont montés, ont marché sur la lune, il a dit si des gens habitent la lune, nous allons envoyer vers eux des groupes qui vont les appeler à sortir, fi sabilillah, et à apprendre la da'wa d'El Tablir. Regardez bien cette phrase qu'il a dit. Nous allons leur envoyer des groupes pour les sortir, fi sabilillah, pour les appeler à sortir, fi sabilillah. Il n'a pas dit pour qu'ils réservent le culte exclusivement à Allah, Azza wa Jal, mais pour qu'ils sortent, fi sabilillah, et qu'ils apprennent le travail d'Yal Tablir, la da'wa d'Yal Tablir. Donc à l'époque de Mohammed, Youssef al-Kandahlaoui, le fils de Mohamed Ilyas, cette Le travail d'El Tablir et les idées d'El Tablir vont se propager à travers le monde, ils vont s'enraciner, ils vont éprouver et amener leurs ambiguïtés à travers le monde musulman et les musulmans d'Europe et d'Amérique. فبعد وفاته انتقلت الإمارة إلى رفيقه محمد يوسف إلى رفيق محمد يوسف الكندهلاوي في طلب العلم وهو المسمى الشيخ محمد إنعام الحسن الكندهلوي الذي كان أميرا وبعده وبقي في الإمارة ما يزيد على 20 سنة أو أكثر وبعد وفاته بقي الأمر شورى في جماعة التبليغ في المشايخ لأنه يقولون الآن لا يوجد بينهم من هو في مرتبة ومكانة لا محمد إلياس ولا محمد يوسف الكندهلوي ولا إنعام الحسن فجعلوا الأمر شورى في مجموعة من المشايخ فيما بينهم. Et après la mort de Mohamed Youssef al-Kandahlaoui, et donc à son époque, had Tbilir va, ses erreurs et ses idées vont se propager à travers le monde musulman et à travers la communauté musulmane, c'est Inam al-Hassan qui va prendre la relève. Il va rester plus de 20 ans comme émir de cette jama'a. Et après la mort de Inam al-Hassan, la situation de ce groupe va rester à une concertation entre un ensemble de chouyours. Parce qu'ils disent que maintenant, il n'y a plus personne du même gabarit que Mohamed Ilyas et Mohamed Youssef al-Kandahlaoui, son fils, né de Mohamed Inam al-Hassan. Donc, il n'y a personne qui peut leur égaler. Donc, la situation du groupe de Jama'at Tablir reste une shura entre un certain nombre de mashayikh. فالآن عودة بعد هذا المقدمة, après cette introduction, nous revenons au livre de Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala. C'est une مقدمة pour vous donner un aperçu encore plus large et plus détaillé que celui d'hier sur Jama'at Tabligh. Donc, الآن الشيخ بحكم أن جماعة التبليغ جماعة صوفية وأنها تبايع على الطرق الأربعة الجشتية والقاذرية والشاذلية، فالشيخ النجمي حفظه الله تعالى سيبين لنا أمورا عن التصوف وعن عقيدة التصوف التي هي وحدة الوجود، وهذه وحدة الوجود عقيدة كثير من الصوفية، وهي قائمة على أن الله والوجود شيء واحد غير منقسم، وأن وجود هذا العالم هو عين وجود الله، وهو حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى، وهو حقيقة وجود هذا العالم. فليس عندهم رب وعبد ولا مالك ومملوك ولا راحم ولا مرحوم ولا عابد ولا معبود، فالعابد هو نفس المعبود والرب هو العبد. Donc, فهمنا الله عز وجل. Puisque ce groupe, nous allons revenir maintenant après cette introduction à au livre du Cheikh Najmi, mais puisque ce groupe est un groupe qui est né sur quatre voies sophies, qui sont le Jushtiya, le Qadiriya, le Sahrawardiya, ou le Naqshbandiya, et puisque les croyances, la croyance de l'unicité de l'existence est monicorante chez Sophia, Cheikh va nous donner un aperçu sur les voies sophies. Il faut savoir que Wahdat al-Wujud, frère en Allah Azza wa Jal, c'est la croyance de beaucoup de sophies. Et cette croyance, cette Wahdat al-Wujud, l'unicité de l'existence, s'accomplit sur le fait qu'Allah et l'existence, c'est une seule chose. C'est-à-dire, Allah et ses créatures, c'est une seule chose, et une unique chose. Et que l'existence de ce monde, c'est elle-même l'existence d'Allah. Donc ça veut dire que dans cette aqida de Wahdat al-Wujud, il n'y a pas de seigneur, il n'y a pas de serviteur. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas de quelqu'un qui est possédé par le roi. Il n'y a pas de clément, il n'y a pas de celui qui reçoit la clément. Il n'y a pas d'adorateur, il n'y a pas d'adoré. Parce que l'adorateur, c'est lui-même l'adoré. Et le souverain, c'est lui-même le serviteur. فهذا هذه تسمى كذلك، وهناك فرقة أخرى تسمى كذلك الاتحادية، تقول بأن الله هو هذه الأكوان. وهؤلاء كما قال شارح النونية أكثر من النصارى، لأن النصارى قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فقط، ولم يقولوا بأنه الأكوان جميعها. ولذا أنشد ابن القيم رحمه الله تعالى: حاش النصارى أن يكونوا مثله، وهم الحمير وعابد الصلبان، هم خصصوه بالمسيح وأمه، وأولاء ما صانوه عن حيواني. Et donc, ceci amène à une idée qui est l'union de la créature, l'ittihad, l'union de la créature et des créateurs. Allah et l'univers, c'est la même chose. Et toute chose qui existe, c'est Allah. Dans cet univers, c'est Allah. Et Allah, c'est toute chose qui existe dans l'univers. Et comme il a dit celui qui a interprété Nounia, que ceux-là qui croient en l'ittihad sont pires. Leur mécréance est pire que celle des juifs et des chrétiens. Car les chrétiens ont dit qu'Allah, c'est le Messie, tout simplement. C'est le Messie, le fils de Maryam, tout simplement. Mais ceux-là, ils ont dit que toute chose qui existe, c'est Allah. Comme il est dit dans les poèmes que vous avez entendus en langue arabe de Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi dans Sanouniya. فيقول الشيخ النجمي حفظه الله رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته: ما هي وحدة الوجود؟ يقول رحمه الله: وحدة الوجود فكرة إلحادية يؤمنها بها زنادقة الصوفية، يتغنون بها في أشعارهم ويعبرون عنها في مقالاتهم. وأمام الآن عدد كبير من عباراتهم دالة على سخف عقولهم وسوء عقيدتهم وخبت ما ينطوون عليه من الكفر القذر والزندقة الملحدة التي تقشعر القلوب من سماعها ويعف اللسان عن النطق بها وإسماعها ويتحرج الإنسان من كتابتها وقد قيل كفاك من شر سماعه. Cheikh Najmi de nous poser cette question, rahimahullah ta'ala, c'est quoi Wahdat al-Wujud? C'est quoi l'unicité de l'existence? Et il dit, rahimahullah ta'ala, l'unicité de l'existence, c'est une idée de mécréance. ou la quelquefois zanadiqat soufia. Zindiq, c'est l'hypocrite. Zanadiqat soufia. Et ils la chantent dans leur poésie. Ils l'expriment et ils s'expriment avec dans leurs écrits. Et il dit devant moi un grand nombre de leurs expressions qui prouvent qu'ils sont diminués dans leur raison et qu'ils ont une mauvaise aqida et que leur intérieur est impur et que dans leur intérieur il est penché sur la mécréance, sur l'impureté, sur zendaka. Il dit une zendaka de laquelle tu as les cœurs ont la chair de poule quand ils les entendent. Ce qui est dit dans ses poèmes et dans leurs écrits. Et il dit, et la langue ne veut pas exprimer et les oreilles ne veulent pas entendre. Ces nullités et ces impuretés qui sont écrites et qui sont dites par ces sophies et ces anadiqa diyal sophia. Il dit, même l'insan, il a de la gêne pour écrire. Et il dit, rahimahullah, comme il était dit avant, ça suffit du mal, le fait que tu l'entendes. Lakin yaqulu rahimahullah, lakin la budda min kitabati shay'in minha liyastadilla bihi ala ma wara'a. Liyastadilla bihi ala ma wara'a. ويقول وللشيخ عبد الرحمن الوكيل رئيس أنصار السنة بمصر سابقا كتاب صغير الحجم عظيم الفائدة اقتنيته قبل سنوات ولما قرأته كتبت عليه هذه العبارة وإني لا عدها من صالح عملي وهذه هي العبارة رحمك الله يا عبد الرحمن لقد سجلت حقا في هذا الكتاب وكشفت الستر المفتعل على تلك الأصنام الجوفاء التي كانت وما زالت بقاياها تقذف أخبث الكفر وأقذره وتزعم أنه عين التوحيد وتضفي هالة من القداسة على قائليه الضلال معتقدين فيهم أنهم أولياء الله في الوجود وخاصته من بين العباد حتى بين الله أمرهم على يديك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Et il dit, rahmatullahi alayk, Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde. Il est obligatoire que j'écrive quelque chose pour les prendre comme preuve de ce qu'il y a derrière cette da'wa d'il wahdat al-wujud et pour la comprendre. Et il dit, Cheikh Abdurrahman al-Wakil, l'ancien président d'Ansar Sunna en Égypte, a écrit un petit livre qui est petit dans les pages, mais grand dans l'intérêt qu'il présente. Il a dit, je l'ai acheté depuis plusieurs années et je l'ai lu. Et il a dit, j'ai créé une expression et je compte cette expression parmi ma bonne œuvre. Et l'expression qu'a écrit Cheikh sur ce livre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te couvre avec sous sa sainte miséricorde, ya Abdurrahman, tu as écrit la vérité dans ce livre et tu as enlevé le voile qui a été fabriqué sur cette statue, qui était et qui reste encore et qui envoie l'impureté de la mécréance et qui prétendent que cette mécréance c'est le monothéisme et qui couvre de vénération ceux qui disent ces mécréances et qui croient en ceux qui disent ces mécréances, et en ces égards qui sont les alliés d'Allah, Azza wa Jal, dans les existences, et qu'ils sont ces particuliers parmi ses serviteurs, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé leur situation sur tes mains, ya Abdurrahman. Hada, c'est la parole qu'a écrit Cheikh, rahmatullah alayhi, sur, en commentant le livre de Cheikh Abdurrahman al-Wakil. Et je conseille à tout frère, et à toute sœur qui maîtrise l'arabe, de se procurer ce livre qui s'appelle Hadihi hiya Sufiya li Abdurrahman al-Wakil. Wa yaqul al-Shaykh rahimahullah wa inni la ahuthu jami'a tullab al-'ilm 'ala iqtina'i hadha al-kitab wa qira'ati wa ismu hadha al-kitab Hadihi hiya Sufiya. Et Cheikh Najmi rahimahullah ta'ala dit, j'insiste tout demandeur de science de lire ce livre, de l'acheter et de le lire. Il dit le nom du livre, c'est Hadihi hiya Sufiya, ça c'est la Sufiya. وإليك بعض تعليقات شيخ الجهني. يقول الشيخ الجهني أبو مالك حفظه الله: والشيخ عبد الرحمن كان من الصوفية، فهو كما يقال وشهد شاهد من أهلها، وتربى وهو صغير معهم، ثم تاب إلى السنة وعرف العقيدة الصحيحة، وما زال في طلب العلم والبحث حتى وصل إلى هذه المرتبة الطيبة، فكان رئيسا لأنصار السنة بمصر، وأخذ يرد على الصوفية لأنه خبير بهم رحمه الله تعالى. وبحكم أن جماعة التبليغ ناغبة عن الصوفية وهي لبيبتها، فالشيخ النجمي حفظه رحمه الله تعالى سيكلمنا عن الصوفية وينقل لنا كلام أهل العلم في التصوف وفي عقيدة هؤلاء المتصوفة. إذنك شيخ الجهاني دو ندير أبو مالك الجهاني حفظه الله تعالى دو ينبوع دو ندير الشيخ عبد الرحمن الوكيل était un صوفي. Donc, comme on dit, c'est un témoin de l'intérieur qui va témoigner. C'est quelqu'un qui a été éduqué alors qu'il était petit. Il a été éduqué par Sophia. Il s'est repenti, il est revenu vers la Sunna. Il a connu la Aqida authentique. Et il a continué à demander la science jusqu'à il est arrivé à ce degré et d'être le président de Ansar Sunna en Égypte. Et il a continué à répliquer aux Sophie. Parce que c'est l'expert, il les connaît très bien, il les connaît de l'intérieur, et il connaît les recoins de cette maison du soufisme. Et puisque nous sommes dans l'étude du Jama'at Tabligh, et que Jama'at Tabligh découle de quatre écoles soufis, de quatre rois soufis, et que Jama'at Tabligh, c'est l'enfant du soufisme, Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala, va nous parler du soufisme. Il va nous citer des paroles de Abd al-Rahman al-Wakil sur Sophia et sur Wahdat al-Wujud et sur les emblèmes d'Al Sophia et les paroles de mécréance que disait c'est Sophie. يقول الشيخ نجمي رحمه الله أيها القارئ الكريم أرجو منك المعذرة إن رأيت في هذه الكتابة ما يقرف مسامعك وربما أسال مدامعك من وصف الصوفية المارقة للرب جل وعلا أنه حل في مخلوقاته أو اتحد بها جل ربي وعز وتقدس وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الشيخ النجمي رحمه الله تعالى دو دير أو توا كي فاليغ مو ليفغ جيسبيغ جتو دوموند دو مو باردوني Si tu vois dans cette écriture quelque chose qui va faire du mal à ton oui, à tes oreilles, peut-être que ce que tu vas lire va faire couler tes larmes en entendant et en lisant les descriptions que font Sophie d'Allah Azza wa Jal et qu'ils disent qu'il est dans ses créatures, qu'il est uni avec ses créatures, qu'il est uni avec ses créatures et que Allah et sa créature c'est la même chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala est dessus de tout, de toutes ces descriptions que disent les soufis. قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل فيما نقل عنه الشيخ النجمي رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جناته في كتابه هذه الصوفية آلهة الصوفية ثم قال يفتري الصوفية أنهم الذين يعرفون الله معرفة لا يمس يقينها ريب ولا يشوب جلال الحق فيها شبه ويصمون المسلمين بعمل بصيرة وعمل عقل وخطل الفكر وجمود العاطفة وفساد الدوق وخمود جدوة الحياة في الشعور والإغراق العميق في المادة الصماء والجمود الأحمق على عبادة التاريخ وما زالت تلك دعواهم فمن رب الذي يعبدونه وإن شئت إحكام الدقة فسلهم من رب الذي اختلقوه ثم عبدوه. إلى كمونس لبارول ديال الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمة الله عليه إك الله سبحانه وتعالى لوي دون لو بارادي دون سون ليف سا سي لو صوفيزم. Il dit les divinités, les dieux du Sophia, Alihat Sophia. Il dit les Sophies, dans le chapitre les divinités d'Al Sophia, il dit les Sophies ont inventé et ont prétendu et ont menti comme quoi ils connaissent Allah, une connaissance dans laquelle il n'y a aucun doute, une connaissance sûre et certaine, une connaissance qui est la vérité même. Et ils décrivent les musulmans, ils disent des musulmans qu'ils ont, qu'ils sont aveugles au niveau de leur clairvoyance, et que la raison du commun des musulmans est aveugle, et que leur esprit est plein de pensées mélangées, et qu'ils stagnent sur le sentiment, et qu'ils ont un mauvais goût, et qu'ils se penchent dans la matière, et qu'ils sont, ils stagnent sur l'adoration de l'histoire, ainsi prétendent les sophies. Donc c'est quoi le Seigneur qu'adorent les sophies dans ces cas-là? Et si tu veux, comme dit Cheikh Louakil, dit, c'est quoi, pour être plus fin, demande-leur, c'est quoi le souverain qu'ils ont créé et qu'ils adorent. Demande-leur, c'est quoi le souverain qu'ils ont créé et qu'ils adorent. يقول رحمه الله ناشدتك الله إن مسك فيما أقول وهم وريبة أو فتنك منهم عن الحق غزل ابتسامة أو ترنيمة عاشقة بتسبيحة أو دعاء ناشدتك الله إلا ما قرأت شيئا من كتبهم لتعرف رب الصوفية الأعظم اقرأ من الفتوحات أو الفصوص أو ترجمان الأشواق أو عنقاء مغرب أو مواقع النجوم وكلها لابن عربي واقرأ من الإنسان الكامل للجيلي واقرأ من تائية ابن الفارض واقرأ من الطبقات والجواهر والكبريت الأحمر للشعراني واقرأ من الإبريز للدباغ والجواهر والرماح للتيجاني وروض القلوب المستطاب لحسن رضوان بل اقرأ حتى مجموع الأوراد التي يتعبدون بها الآن ودلائل الخيرات وأحزاب الكهنة منهم في العشايا والأصحار. الشيخ وكيل عبد الرحمن وكيل رحمه الله je demande par Allah, si tu as un doute dans ce que je te dis ou que tu as été perturbé par un sourire et un penchant que tu as vers les sophies ou par un dua qu'ils t'ont fait, je te demande par Allah Azza wa Jal que tu lises leur livre directement pour que tu connaisses le souverain Sophie et le souverain qu'adore Sophia. Il dit, l'il futuhat ou l'fosos, tout ça ce sont des livres d'Ibn Arabi, Had al-Khabith, qui est mort sur Wahdat al-Wujud, et qui disait, il n'y a dans la djellaba qu'Allah, c'est-à-dire lui et Allah, c'est la même chose. Al-Fosos, c'est l'un de ses livres. Anqa Maghrib, c'est l'un de ses livres. La place des étoiles, c'est l'un de ses livres. Et il dit aussi, lit l'humain complet d'Al-Jili, qui est écrit par Al-Jili, ou lit encore la poésie Ta'iyad ibn al-Farid, ou les générations Il-Jawahir, Il-Kubrit al-Ahmar du Sharani, ou l'Ibris d'Al-Dabbar, ou autres, parmi tous les grands qui ont écrit, ou lit encore les invocations avec lesquels ils invoquent Allah Azza wa Jal jusqu'à nos jours. Et par exemple, Dalail al-Khairat, ou Ahzab al-Kahana, parmi eux, fil Ashaya wal Ashar. Tout ça, ce sont des références à eux. Lis-les, et tu vas te rendre compte de ce souverain qu'adorent les Sophies. إن الصوفية تنعت ابن عربي بأنه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر وتخر له ساجدة والجيل بأنه العارف الرباني والمعدن الصمداني وابن الفارث بأنه سلطان العاشقين والشعراني بأنه الهيكل الصمداني والقطب الرباني. صوفيا ديكريف ابن عربي الاندفيني ابن العربي. ابن العربي c'est un grand imam ديال المالكيه. مي هذا ابن عربي هذا c'est l'une des grandes têtes ديال الصوفيه. Et Sophia décrit ابن عربي comme quoi qu'il est le plus grand cheikh et qu'il est le soufre rouge. Et Sophia se prosterne pour lui. Ils disent d'Al-Jili qu'il est le connaisseur des vins et qu'il est la source de la divinité. Ibn al-Farid, qu'il est le gouverneur des amoureux, Sultan al-Ashiqin, et Charani qu'il est le squelette éternel et le pivot divin. Comme ça décrivent Sophia, leur mashaïr et les têtes de la mécréance. Fayaqulu al-Sheikh al-Wakil, fama ad'ouka idan ila kutubin tanqimu minha al-Sufiya. دلائل الحق وإشراق الهدى بل إلى كتب تقدسها الصوفية على اختلاف نوازعهم وتباين أهوائهم ويجلونها ولا أعد الصدقين قلت يعبدونها ويرونها الأفق الأسمى لنور التوحيد والمنبع السلسال لفيوض الربانية فإن قرأت شيئا من تلك الكتب فتدبر بعده آية واحدة من كتاب الله عز وجل واقذف بنور الحق الإلهي على دياجير الباطل الصوفي وتمت يروعك ويستفز الغضاب الثوائل من لعناتك أن تجد الصوفية تدين برب يتجسد في أحقر الصور وتتعين هويته وإنيته في أنتن الجيف وتتمثل حقيقة الوجودية صور أوهام في الدهن الكليل وظنون حيرة في الكفر الضليل وتهاويل أسطورية في الخيال ألم تؤله الصوفية في دين كاهنها التلمساني رمة كلب تتقزز من صديدها الدود إي الشيخ عبد الرحمن الوكيل دونديغ رحمه الله تعالى je ne t'appelle pas à lire et à connaître le Sophia à travers des livres qui sont les preuves de la vérité et les éclaircissements de la guidée. Mais je te demande de lire la réalité des Sophies dans des livres que vénèrent les Sophies eux-mêmes. Dans leurs différentes sectes, ils vénèrent tous ces livres-là, malgré la différence qu'ils ont dans leur voix. Ils vénèrent ces livres. Et il dit, et je dis la vérité, je ne dépasserai pas la vérité si je dis que les Sophies adorent ces livres. Et ils voient que ce sont que ces livres, ce sont l'emblème de l'horizon. Et que c'est la lumière du monothéisme. Et que c'est la source du Fouyoudat divine, du déversement de la divinité. Quoi. Le Fouyoud, c'est des termes, c'est de la terminologie sophie. Et il dit, si tu lis quelque chose parmi ces livres-là, médite un seul verset dans le livre d'Allah Azzawajal et jette la lumière de ce verset sur les ténèbres sophies que tu as lues. Il dit dans ces cas-là, peut-être tu vas avoir peur, peut-être que ta colère va augmenter, peut-être que tes malédictions, tu vas les jeter sur les sophies. Tu vas trouver que Sophia adore un souverain qui est personnalisé dans la plus vile des images et qui est personnalisé dans un cadavre puant, et que la réalité de ce souverain, si le Sophie, ce ne sont que des illusions, dans des raisons qui sont diminuées, et dans des suppositions hésitantes, et dans des croyances hésitantes, et dans des suppositions de mécréance. Et Sophia a pris comme divinité dans sa religion son devin Telemsani. Dans la religion de son devin Telemsani, ils ont pris comme divinité la poussière du cadavre d'un chien, dont les vers sont dégoûtés. Si tu lis les livres d'Yal qu'il t'a cité, Cheikh al-Wakil, tu vas arriver à ce stade-là. Ce n'est pas les larmes que tu vas verser, peut-être que c'est le sang qui va tomber de tes yeux. Et tu ne vas pas croire ce que tu lis. Est-ce que des gens sont arrivés à ce point de mécréance à décrire Allah Azza wa Jal ainsi? Thumma ba'da dhalika yaqulu Abd al-Rahman al-Wakil rahimahullah Ilahu ibn al-Farid huwa mu'minun bi bid'ati al-wahdati ay wahdati al-wujud وسميها بما شئت بصيرورة العبد ربا والمخلوق خالقا إلى أن قال يؤمنون بأن الرب الصوفي تعين بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله بصور مادية أو دهنية فكان حيوانا أعوذ بالله وجمادا وإنسا وجنا وأصناما وأوثانا وكان وهما وظنا وكانت صفاته وأسماؤه وأفعاله عينا عين ما لتلك الأشياء من صفات وأسماء وأفعال لأنها هي هو في ماهيته ووجوده المطلق أو المقيد وكلما يقترفه البغاة وما تنهش الضاريات من لحوم وتعرق من عظام فهو فعل الرب الصوفي وخطيئته وجرمه إلى أن قال وتدبر ما سأنقل لك عن ابن الفارض في تائيته فلعله يزول عجبك ويفيء غضبك يقول جلت في تجلها الوجود لناظري ففي كل مرأة أراها برؤيتي وأشهد غيبي إذا بدت فوجدتني هنالك إياها بجلوة خلوتي ففي الصحو بعد المحو لم أك غيرها وذاتي بذاتي إذا تجلتي إلى أن قال فإن دعيت كنت المجيبة وإن أكن منادى أجابت من دعاني ولبتي. أعوذ بالله من الحور بعد الكور. يا بخسان ودي الشيخ الوكيل رحمه الله تعالى لديو دبن الفارض كوا أو لنوفاسيون دو لنيتي l'unité de l'existence, et appelle-la comme tu veux, appelle-la comme le fait que le serviteur, c'est le souverain, et que le créateur, et que la créature, c'est le créateur, jusqu'à ce qu'il y dise, c'est-à-dire Ibn al-Farid. Et il croit, Abdelrahman al-Wakil qui dit, jusqu'à ce qu'il dit, il croit que le souverain soufi, dans son essence, dans ses attributs, dans ses actes, il a des images matérielles ou des images qui sont dans l'esprit. Donc il est animal, il est inanimé, quelque chose qui ne bouge pas, il est humain, il est jeune, il est statue, il est idole, il est illusion, il est supposition. Et ils disent que ces noms et ses attributs et ses actes sont la même chose que les choses. C'est les mêmes attributs, c'est même les mêmes noms que les choses. Parce que ces choses, ces créatures, sont lui, et lui, il est ses créatures. Donc son existence au sens large du terme, ou au sens conditionné, c'est la créature. Et tout ce que font ceux qui ont dépassé leurs limites, et ce que dévorent les fauves de chair, etc., hein, ça c'est l'acte du souverain soufi. Et son erreur, et son injustice, et son crime. Jusqu'à ce qu'il ait dit, et médite ce que Cheikh le Wakil nous rapporte, comme mécréance de la ta'iyya de l'farid. Et peut-être quand tu vas te mettre en colère quand tu vas entendre ce qu'il dit. Jallat fi tajalliha al-wujud li-nadhiri. Et il a apparu dans l'existence pour celui qui me voit. Et dans chaque chose que je vois, je la vois elle-même. C'est-à-dire que lui, la créature et le créateur, c'est la même chose. Jusqu'à ce qu'il ait dit, quand on l'appelle, je suis celui qui répond. Et quand je suis celui qu'on appelle, c'est elle qui répond. يقول عبد الرحمن الوكيل رحمه الله فكل هذا الكلام كله هو تقرير كل ما سمعته تقرير للعقيدة الخبيثة عقيدة وحدة الوجود. والشيخ الوكيل يريد أن يصل بالقارئ إلى الحقيقة المرة التي هي عقيدة وحدة الوجود. ومفاد هذه العقيدة أن كل ما تراه هو الله حتى أقبح الأشياء وأنثنها وأقذرها فهذا كلام فظيع لا يستطيع الإنسان أن يقوله. يعني أناس بلغوا في الكفر مبلغا ما بلغه اليهود والنصارى. دونك ces citations que nous a fait Cheikh Al-Wakir, rahimahullah ta'ala, et qu'a choisi Cheikh Al-Najmi, rahmatullah alayh, tout ça c'est pour te prouver cette aqida impure qui est la aqida de l'unicité de l'existence, wahdat al-wujud. Et Cheikh al-Wakil, il veut nous amener à cette réalité, à cette réalité amère qui est la croyance dans l'unicité de l'existence. Et que ce que veut dire cette aqida, c'est tout ce que tu vois, c'est Allah. Même les pires des choses et les plus viles des choses et les choses les plus impures et les plus puantes sont Allah. Et ça, ce sont des paroles énormes. L'être humain ne peut pas les supporter, ne peut pas les dire. Des gens qui sont arrivés à cet extrême dans la mécréance, ils sont arrivés à un point où les juifs et les chrétiens ne sont pas arrivés. Nasara indahum al-hulul wal-wahda fi Isa faqat. أما هؤلاء فالله عندهم حل في عيسى وفي الخنزير وفي الكلب وفي الأحشاش عياذا بالله وناس فظيعين جدا وصلوا إلى كفر فظيع ما وصل إليه فرعون بل هم يقدسون فرعون يقولون فرعون وصل إلى الحقيقة لأنه عرف وموسى لم يصل انظر إلى أي مدى وصل هؤلاء الناس هذا هو دين ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وهؤلاء الجماعة دونك. Ces gens-là sont arrivés à une mécréance énorme. Une mécréance qui dépasse la mécréance des juifs et des chrétiens. L'ayadan billah. Les chrétiens ont dit que Allah est dans Isa. Tout simplement. Ceux-là, ils disent qu'Allah est dans Isa, est dans le porc, est dans les chiens, est dans les toilettes, est dans les porcheries. L'ayadan billah. Des villes gens qui sont arrivés à cette mécréance-là. Ils sont arrivés à un point où il n'est pas arrivé Pharaon. Et eux, ils vénèrent Pharaon. Certains parmi les sauves, ils vénèrent Pharaon. Parce qu'ils disent que Pharaon, il est arrivé à la vérité qu'on ne connaît pas Moussa, alayhi salatu wassalam. Regardez à quel point ils sont arrivés. À ce point-là sont arrivés ces gens-là. Ça, c'est la religion de Ibn Arabi, l'un des finis hada, ou Ibn Sub'in, ou Ibn al-Farid, ou غيرهم. وهذا شعر ابن الفارض وكان شاعرا خبيثا فهذا الشعر الصوفي رمز لوحدة الوجود يعني أنا هي وهي أنا أرى نفسي فيها وهي ترى نفسي نفسها فيا يعني وحدة الوجود تجلت في تجليها الوجود لناظري يعني يرى هذه الحقيقة في كل شيء حتى إذا رأى الكلب الأسود وحتى إذا ما كان غائبا عنها فهو معها وفي البيت ظاهرة الحلولية إلى أن قال فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن منادى أجابت من دعاني ولبت فكيف أنت الداعي والمجيب في آن واحد. Et cette poésie qui vient de passer avec nous d'Ibn al-Farid, Ibn al-Farid a été un poète impur de ces sophies. Cette poésie sophie, c'est l'emblème de la aqida d'il wahdat al-wujud. Cette poésie, il a dit, moi c'est elle c'est moi. Ce que tu vois, elle se voit en moi et moi je me vois en elle. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Wahdat al-wujud. Il a apparu dans sa clarté de l'existence à celui qui la voit. Et ça veut dire qu'il voit cette vérité dans toute chose. Même quand il voit le chien noir. Et même s'il est absent d'elle, ben il est avec lui. Et donc ce poème, c'est un poème clair dans l'hululia et dans l'unicité de l'existence. Même il a dit dans le poème, quand on l'appelle, c'est moi qui réponds. Et comme c'est moi qui appelle, c'est elle qui répond. Comment il peut être celui qui appelle et qui répond en même temps à la fois? Fa sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa al-afiya. Fa sbirou, patientez pour ce que vous entendez. Pour vous montrer. Si Cheikh Najmi a cité ces passages, c'est pour vous montrer qu'il y a encore de nos jours des gens qui croient en ce khoubd, en cette impureté, qui ne font même pas la prière à l'islam, qui font rien du tout parce qu'ils sont arrivés à la certitude. Ils font des choses, l'ayadan billah. Tu veux t'en rendre compte, للإبريز ديال الدباغ تيفا فواغ. وإن دعي ابن الفارض لبى الله لأنه اسمه ومسماه لا أن قال. يقول عبد الرحمن الوكيل رحمه الله: إن دعا الله أجاب ابن الفارض لأنه عينه، وإن دعا ابن الفارض لبى الله لأنه اسمه ومسماه. يا عبد الرحمن الوكيل وكم مونتون سو بوام يلدي الله سبحانه وتعالى لكوف دو سانت ميزاوكون يلدي كونت On appelle Allah, c'est Ibn al-Farid qui répond. Parce que Allah Ibn al-Farid, c'est la même chose, a'oudhu billah. Et quand c'est Ibn al-Farid qu'on appelle, c'est Allah qui répond. Parce que c'est, le, c'est lui, c'est son nom, a'oudhu billah. Wa yaqul, wa la falaka illa wa min nuri batini bihi malakun yahdi al-huda bimashi'ati. Il n'y a aucun astre qui existe sans que ce sartre soit de ma lumière intérieure. Il y a dedans un ange qui guide avec mon vouloir. Qu'est-ce qu'il a laissé à Allah Azza wa Jalla hada? Wala qatrun illa halla min fidh dhahiri bihi qatratun anha as-sahaibu sahat. Il n'y a pas une goutte qui tombe sans qu'il y ait quelque chose de mon apparence, que ce soit de lui. C'est lui qui l'a fait tomber. Qu'est-ce qu'il a laissé à Allah Azza wa Jalla? ولولاي لم يوجد وجود ولم يكن شهود ولم تعهد تعهد عهود بذمتي. Il dit, si ce n'est moi, il n'y aurait pas d'existence. Il n'y aurait pas de témoin. Il n'y aurait pas de pacte. Regardez à quel point sont arrivés ces gens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. فلا حي إلا من حياتي حياته وطوع مراضي كل نفس مريدة أي إن كل نفس يقول في هذا البيت إن كل نفس استمدت حياتها من حياة ابن الفارض لأنه هو الله عليه لعنات الله المتتابعة وكما قال ابن كثير رحمه الله تعالى عليه نعلات الله إذا مات على ذلك وكان ابن كثير يقيد بهذا القيد رحمة الله عليه Et il dit, il n'y a pas de vivant sans ma vie. Il n'y a pas de vivant sans ma vie, car la vie d'autrui, c'est ma vie. Et il est soumis à mon vouloir. Et toute personne qui, c'est-à-dire que toute chose qui existe, et toute âme qui existe, prend sa vie de la vie d'Ibn al-Farid. Allah subhanahu wa ta'ala le maudit s'il est mort sur cette aqida. Comme il a dit, parce que Ibn Kathir, rahmatullah alayhi, dans le Bidaya ou le Nihaya, il dit si il ramène toujours cette condition en ce qui concerne ce genre de personnes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les maudit s'ils sont morts sur cette aqida. Ansallah subhanahu wa ta'ala, nutbitna wa iyakum al-haq. Nous allons arrêter là parce que Adlumal Hada, il commence à. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Nous allons continuer demain parce qu'on a encore plusieurs pages dans ces impuretés à entendre. Il y a 4 ou 10 pages à entendre encore dans ce mal de cette aqida d'Yel Sofia. Mais à la fin, il y a un grand commentaire de Cheikh Njmi, rahimahullah ta'ala. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, Njalna wa yakum. من أتباع السلف الصالح وأن نثبت وأن يثبتنا وإياكم على هذا المنهج إلى أن نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم